Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107 FM. Nous sommes le mercredi 5 janvier 2022, nous sommes bien sûr en direct, il est 14h, voilà. C'est Chris, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone Stéphanie Richard, gérante de l'atelier à pâte ou Pâte à Délices à Tiefos, qui est là pour nous parler justement de l'atelier à pâte et de tout ce qu'on peut y trouver. Donc bonjour Stéphanie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Donc, nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, donc je suis Stéphanie Richard, la co-gérante donc, de l'atelier à pâte à Tiefos. Donc, j'ai créé l'atelier avec mon associé Philippe Pierrel en 2014. Et donc, nous sommes à Tiefos depuis juillet 2014, c'est ça. Et donc, nous fabriquons des pâtes sèches et fraîches. D'accord. Et donc, comme je l'ai annoncé en introduction, du coup, cet atelier, il a deux noms. Donc, l'atelier à pâtes et Pâte à Délices. Donc, est-ce que c'était un choix de donner deux noms à votre atelier? Et si oui, pourquoi? Alors, en fait, c'est deux noms complètement différents. En fait, l'atelier à pâtes, c'est vraiment le nom du lieu, de notre atelier. Et Pâte à Délices, c'est la marque de nos pâtes. Voilà. Donc, nos pâtes sont toutes commercialisées sous la marque Pâte à Délices. D'accord. Voilà. Et si vous voulez les acheter directement, vous venez à l'atelier à pâte à Tiefos. Ok, donc c'est l'atelier à pâte, du coup, c'est l'atelier, le nom de l'atelier, le nom du lieu, et la marque, c'est Pâte à Délices. D'accord. Voilà. Ok, parfait. Tout à fait. Et donc, pourquoi avoir eu cette envie de créer un atelier à pâte? Eh bien, l'idée, elle est venue progressivement, puisque mon mari s'est reconverti professionnellement également, donc en 2010, lui, il a créé le GAEC des Crêtes du Rue à Basse-sur-le-Rue. D'accord. Donc, il s'est lancé dans l'élevage de volailles en plein air, donc pour les œufs, mais également pour la chair. Hein. Et donc, avec tous les œufs qui n'avaient pas le bon calibre pour être commercialisés, eh bien, il fallait absolument trouver une solution pour les écouler. Donc, la solution, elle a été trouvée assez rapidement. On a décidé donc de fabriquer des pâtes, au départ des pâtes fraîches, voilà. D'accord, donc les pâtes grâce aux œufs que votre mari, du coup, grâce aux poules de votre mari. C'est ça, tout à fait, oui. D'accord. Tout à fait. Et donc, comme vous l'avez dit, quand vous vous êtes présenté, vous avez du coup créé l'atelier à pâtes avec votre associé, Monsieur Pierrel. Donc, du coup, oui. comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Et voilà, comment vous est venue cette rencontre, tout simplement? Alors, en fait, moi, j'ai commencé toute seule en 2011, en auto-entreprise. D'accord. Donc, en fabriquant uniquement des pâtes fraîches. Et en fait, il se trouve que Philippe, qui est maintenant mon associé, donc, était un ami de longue date, donc que l'on connaissait depuis très, très longtemps, et a été un de nos premiers clients. Voilà, puisqu'au départ, je ne livrais que des clients privés, on va dire. Voilà, et lui et son épouse ont été les premiers à goûter et à acheter mes pâtes. Et puis au bout de deux ans, donc j'ai un petit peu été dépassée par les événements puisque j'avais beaucoup de demandes, et notamment des demandes en pâte sèche. Alors la pâte sèche, je savais faire, mais je n'avais pas la possibilité de la fabriquer dans mon petit atelier de 20 mètres carrés. D'accord. Que j'avais dans mon sous-sol. Et donc là, il a fallu échafauder de nouveaux plans, on va dire, pour faire en sorte de développer l'entreprise. Et c'est là que donc Philippe s'est porté volontaire pour m'épauler dans cette nouvelle étape. D'accord. Et donc, du coup, je me suis renseigné un petit peu en préparant cette émission, et aussi, je l'ai vécu également. Vous êtes également professeur de français au collège de Vanier. Oui, voilà. Oui, tout à fait, oui. J'ai d'ailleurs été un de vos élèves quand j'étais au collège. Voilà. D'accord, au collège de Vanier. Oui, oui, mon prénom complet c'est Christopher. Je ne sais pas si ça vous rappelle. Alors Christopher, oui, j'ai. D'accord. Enchanté alors. Enchanté à nouveau du coup. Et donc, du coup, comment, enfin, vous avez, en plus de l'atelier à pâte, vous confectionnez, enfin, vous êtes toujours professeur de français? Oui, toujours, oui. Donc, oui, à temps partiel, oui. D'accord, donc c'est grâce au temps partiel, du coup, que vous arrivez à cumuler les deux. Oui. Oui, parce que Philippe et moi ne sommes pas tout seuls. Hein. Nous avons maintenant deux salariés, donc qui seront eux à temps complet à l'atelier. D'accord, ok. Et donc, comme nous l'avons dit, l'atelier à pâte se situe du coup à Tiefos. C'est pas très loin de Saint-Étienne-lès-Miremont où se trouve Radio Guimauzo. Mais pourquoi avoir créé cet atelier à Tiefos justement? Eh bien, en fait, bah, il fallait trouver justement un atelier, bah, un bâtiment suffisamment grand pour pouvoir accueillir notre atelier, nos machines. Et puis, il fallait également que ça ne soit pas trop loin de notre domicile et de notre lieu de travail. Donc, du coup, ça a été assez naturellement qu'on s'est tourné vers la commune de Thieffos. Puisqu'à ce moment-là, justement, l'ex-atelier à pâte était disponible. Voilà. C'était en fait une petite supérette qui était abandonnée, entre guillemets, depuis un an. D'accord. Et donc, voilà. Chez l'atelier à pâte, nous pouvons, du coup, sous la marque Pasta Délice, nous avons des pâtes fraîches et des pâtes sèches. Donc, quelle est la différence entre pâte fraîche et pâte sèche ? Voilà, donc en fait, la pâte, quand elle sort de la machine, elle est toujours fraîche. Une D'accord. pâte sèche, avant d'être séchée, passe toujours par l'étape de pâte sèche, de pâte fraîche. D'accord. Voilà, donc quand la pâte sort de la machine, soit on la garde en tant que pâte fraîche, c'est-à-dire pour être consommée assez rapidement, et dans ce cas-là, elle doit être conservée au réfrigérateur, soit on décide de la sécher, et là, on la passe dans un séchoir pendant 10 heures. Donc c'est un séchage qui est très lent, artisanal, à basse température. Et à partir de ce moment-là, donc elle devient pâte sèche. Voilà. Et là, elle a une conservation qui est plus longue. D'accord. De 3 ans, en fait. D'accord. Donc du coup, vous avez pris la décision, du coup, avec M. Pierrel, du coup, de faire les deux, pâte fraîche et pâte sèche. Voilà, tout à fait. Oui, voilà. OK. Et du coup, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de voir que à l'atelier à pâtes, vous fabriquez du coup les pâtes avec des matières premières les plus locales possibles. Donc, à quel point est-ce important du coup pour vous d'utiliser des produits locaux ? Et voilà, on essaye de fournir nos artisans locaux, nos boutiques locales en produits locaux. Donc, bien sûr, c'était logique que les matières premières, on n'aille pas les chercher à l'autre bout du monde, quoi. Donc voilà, on avait déjà les œufs en local, donc il fallait essayer de trouver le maximum de matières premières le plus localement possible. Donc ce qu'on a fait avec par exemple la farine de petite épeautre et puis le safran des Pailloux par exemple également, donc qui vient de Plombières-les-Bains. Mmh. Voilà, donc c'est toujours dans notre politique d'essayer de trouver le maximum de matières premières le plus près de chez nous. D'accord. Et du coup, vous utilisez également des plantes, donc l'ail des ours, entre autres, et l'ortie cultivée en agriculture biologique. Donc, oui. Du coup, le côté bio, tout. Tout, pardon. Mais je vous laisse, alors allez-y, excusez-moi. Oui. Y a pas de souci. Donc, du coup, l'agriculture biologique, est-ce que c'est important pour vous que ce soit bio ? Oui, alors chez nous, donc, en effet, donc, en plus des pâtes nature, donc, on a décidé de fabriquer des pâtes à base de plantes, d'épices et de légumes, donc, comme vous le dites. Et pour garantir la qualité de ces produits-là, on a décidé, en effet, de les acheter, donc d'acheter des produits bio, oui. C'est un gage de qualité pour nous, en effet. D'accord. Et donc, du coup, quand on se parlait l'un au-dessus de l'autre, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Donc, je voulais dire qu'en fait, chez nous, donc aujourd'hui, on a développé des gammes bio. Justement, on a 11 gammes de pâtes bio. Mm-hmm. Et même les gammes qui sont des gammes fabriquées, on va dire, à base de produits issus de l'agriculture raisonnée, eh bien, même dans ces gammes-là, donc des gammes d'agriculture raisonnée, eh bien, on utilise des plantes, des légumes et des épices qui sont issus de l'agriculture biologique, justement pour ce gage de qualité. D'accord. Et vous utilisez également ce qu'on appelle le shiitake. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Oui, alors le shiitake, justement, c'est un produit local. C'est un produit que l'on peut trouver à Dossel, chez Marco de Macon. D'accord. C'est un champignon, en fait, qui a une origine asiatique à la base, et qui est bourré de propriétés, en fait. Donc, on retrouve pas mal d'oligo-éléments, de vitamines dans le shiitake. Et c'est un aliment qui est très recherché aujourd'hui. Donc, c'est pour cette raison qu'on le fait également rentrer dans la composition d'une de nos gammes de pâtes. D'accord, ok. Donc, il va être 14h10, donc avant de poursuivre cette émission, je vous propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que j'ai choisie, car vous n'avez pas forcément le temps, vous me l'avez dit en amont, de réfléchir aux pauses musicales. Donc, les trois pauses musicales que nous écouterons, c'est moi qui les ai choisies. Et Nous allons écouter pour commencer le célèbre chanteur Joe Dassin avec son célèbre morceau « Siffler sur la colline ». Pour donner les quelques références, comme j'aime bien le faire, c'est de la variété française. Il est sorti en 1968 et c'est un titre issu de l'album « Joe Dassin » entre parenthèses les Champs-Élysées du chanteur, album sorti en mai 1969. Il s'agit d'ailleurs du troisième album studio de Joe Dassin. Du coup, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, d'ici un peu moins de 3 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier. Et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement, sur notre site internet ou sur notre application Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Joe Dassin avec son titre Siffler sur la colline. Vous êtes bien sûr toujours en direct. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Stéphanie Richard, co-gérante de l'atelier à pâte de Thiéfosse, qui est là du coup pour nous parler de l'atelier à pâte et de tout ce qu'on peut y trouver. Ça va toujours ? Ça va toujours, oui, merci. Parfait. Donc, du coup, on va reprendre le cours de cette émission. Donc, toujours en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire que vos pâtes conservent tous les arômes et tous les bienfaits qu'elles renferment. Mais pour ce faire, est-ce qu'il y a une technique particulière ? Oui, donc comme je vous l'ai expliqué, donc on essaye d'utiliser au maximum donc des produits locaux et surtout des produits de qualité, donc des plantes, des épices, des légumes. Et pour garder les propriétés de tous ces ingrédients, eh bien, on a opté pour un séchage à très basse température. Donc, en fait, nos pâtes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sont séchées 10 heures durant dans un séchoir. Et cela à très, très basse température, justement, pour conserver tous ces arômes, surtout, hein, et toutes ces propriétés inhérentes à chaque plante ou à chaque épice. D'accord. Et il est également important de préciser que l'ensachage des pâtes, donc dans du papier, dans un emballage en papier craft, des pâtes sèches, ainsi que la position des étiquettes sont faites manuellement. Oui, tout à fait. Oui. Alors l'ensachage, hein, je rectifie. Donc l'ensachage est fait quand même avec une machine semi-automatique. D'accord. Donc une machine qui nous aide quand même dans chaque mouvement. Par contre, on appose les étiquettes manuellement, oui, entièrement là, oui. D'accord. Et du coup, quelle est l'importance pour vous de presque tout faire manuellement ? Voilà, on est des artisans avant tout, hein, donc le but c'est pas d'avoir des chaînes d'ensachage ou autres dans notre atelier, voilà. Et c'est une façon aussi de maîtriser tout ce qu'on fait, en fait, les différentes étapes de la fabrication du produit jusqu'à sa mise en sachet et la position des étiquettes. D'accord. Et une des marques de fabrique de l'atelier à pâte et de la marque du coup Pasta Délice, c'est que cette marque a quelques spécificités, comme des formes originales, des saveurs inédites et un packaging terroir en pâte et craft à fenêtre. Oui, tout à fait. Oui. Donc nous, notre idée, en effet, c'était essayer de se démarquer un petit peu aussi de tout ce qu'on peut trouver dans le commerce, hein, sur le marché. Donc moi je suis originaire des Vosges et j'avais vraiment envie de travailler aussi avec ces plantes ou ces légumes qu'on peut trouver dans la nature, parce que je suis très attachée à mon terroir. Et donc ça a été pour cette raison donc que je me suis d'abord lancée dans la fabrication de pâtes à l'ail des ours. Donc tout ça c'était avant de m'associer en 2014. Voilà. Mmh. Et puis Philippe a été tout à fait d'accord pour qu'on continue dans la même direction avec ses formes un petit peu originales. Donc et puis ses saveurs originales également. Donc des pâtes au cèpe, hein, des pâtes au basilic, au safran, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, au shiitake. Des pâtes un petit peu plus exotiques, on va dire. On a également des pâtes au curry de Madras, on a des pâtes également au piment d'Espelette. Voilà, aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de gammes qu'on va dire un petit peu terroir, voilà. D'accord, des pâtes au citron, j'ai vu également. Oui, pâtes citron, voilà. Et puis là, on a deux nouvelles gammes qui viennent de sortir avant les fêtes, donc une conchigli rigate à la livèche. Donc la livèche, c'est un céleri perpétuel. Donc c'est une très bonne pâte également, donc qui a le goût du céleri, voilà. Et puis une autre gamme, donc à la citronnelle et au gingembre. Donc ce sont deux gammes bio. D'accord. Mais justement, comment est fait l'ajout de ces saveurs aux pâtes elles-mêmes? Est-ce que vous mettez les ingrédients en plus avec les pâtes dans la préparation? Alors oui, la recette est propre à chaque gamme, on va dire. Pour certains épices ou certaines plantes, on travaille avec des infusions de plantes, on fait infuser nos plantes, voilà. Pour d'autres, on les ajoute directement en poudre avec la préparation, voilà, tout. C'est différent à chaque fois, on va dire, voilà, c'est notre petit secret de fabrication. D'accord. Je crois qu'à la radio, on a un double appel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer directement la deuxième pause musicale que j'ai choisi. Donc, Céline Dion avec son titre I'm Alive. Voilà, c'est un titre typé dance pop. C'est un titre sorti en 2002. Et c'est un titre issu de l'album A New Day Has Come de Céline Dion, album sorti le vendredi 22 mars 2002. Et pour la petite anecdote, il s'agit du 23e album studio de la chanteuse, mais c'est aussi son 6e album en anglais. Et deuxième petite anecdote, ce morceau fait partie de la bande originale du film Stuart Little 2, sorti en 2002. Alors du coup, on écoute ce morceau, je vais m'occuper du double appel, et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. I can't wait to fly. I feel that I'm Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo, sans cette FM. Vous venez d'écouter Céline Dion avec son morceau intitulé I'm Alive. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Stéphanie Richard, co-gérante de l'atelier à pâte à Tiefos, qui est là pour nous parler de l'atelier à pâte et de tout ce qu'on peut y trouver. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie? Oui, très bien, merci, oui. Parfait. Donc du coup, on va reprendre le cours de cette émission. Donc je crois savoir, j'ai cru comprendre en faisant mes émissions, en préparant cette émission, c'est mieux, que vous, votre structure, donc c'est une petite structure, que vous avez développé plusieurs gammes de pâtes hyper protéinées. Oui. Donc, en fait, ce qu'on essaie aussi de faire, c'est de satisfaire tous nos clients, hein, essayer de répondre à la demande de chacun. Et donc, en effet, on a reçu il y a 6-7 ans quelques sportifs vosgiens qui sont venus nous rendre visite un samedi matin pour nous demander si on aurait une idée d'une recette de pâte hyper protéinée, voilà, à leur proposer. Donc on s'est lancé dans l'élaboration de la recette et finalement à l'époque on s'est tourné vers les producteurs de spiruline qui se trouvent près de Mirecourt. Voilà, donc la spiruline, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est une microalgue qui pousse sur l'eau douce et qui contient énormément de protéines, donc 67% de protéines. Donc on a tout de suite commencé des essais et puis il s'avère qu'on a réussi à trouver une recette. Donc on a une recette de pâte avec 20% de protéines. Voilà, donc à base de spiruline vosgienne. D'accord. Et donc toujours dans cette volonté de vous ouvrir à tout le monde, vous fabriquez même des pâtes pour les personnes allergiques et intolérantes au gluten. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors pas pour les personnes allergiques. Alors je dirais que on a essayé donc de se lancer dans la fabrication de pâtes sans gluten, mais c'est très compliqué parce qu'en fait on travaille toujours dans le même atelier, donc il faut absolument évacuer. Toute micro-poussière de gluten, hein, par exemple. Donc quand on se lançait dans cette fabrication, c'était une journée de nettoyage de fond en comble de l'atelier et des machines. Ah oui. Voilà, et donc c'était une fabrication qui nous coûtait très cher, avec des analyses en laboratoire derrière. Donc pour le moment, on l'a mis en stand-by, cette fabrication-là. Par contre, on propose aujourd'hui donc des pâtes à teneur réduite en gluten. Ce sont des pâtes à base de petite épeautre. Donc c'est de la farine de petite épeautre qui vient du royaume du moulin de Royaumet, à côté de Toul. Donc ce moulin s'appelle le moulin du Petit Pousset. Donc c'est Monsieur Matt qui nous vend sa farine. D'accord. Voilà. Et donc c'est une pâte qui contient à peu près 1% de gluten. Donc elle convient très bien à des personnes intolérantes, mais pas à des personnes qui seraient allergiques, malheureusement. D'accord. Bah, peut-être à l'avenir, on ne sait pas, peut-être. Oui. Voilà. Peut-être, comme vous dites. Voilà. On ne sait pas ce que l'avenir peut réserver. Et donc, chez l'atelier à pâtes, vous ne fabriquez pas que des pâtes. Je crois savoir que vous faites également des sauces et des biscuits. Alors, les sauces, nous les commercialisons, mais nous ne les fabriquons pas. Voilà, nous les faisons fabriquer, voilà, parce que c'est trop de travail et puis chacun son métier. Par contre, il y a 4 ans, on s'est lancé dans la fabrication de petits biscuits bio également, puisqu'on avait toujours à cœur de pouvoir faire goûter des produits à nos clients quand ils venaient, par exemple, en milieu d'après-midi. Voilà, donc on avait cette idée en tête depuis un moment, et puis on voulait absolument que nos produits connotent bien le terroir vosgien. Et donc, on a fait des essais il y a 5 ans en essayant d'intégrer dans ces petits biscuits des mirabelles et puis ensuite des myrtilles. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a de bonnes recettes. On a des bons petits biscuits. Donc, un biscuit sablé à la myrtille et un autre, donc, qui est un petit biscuit sablé également à la mirabelle. D'accord. Voilà. Deux biscuits, donc, bio. D'accord. Est-ce que à l'avenir, par exemple, vous allez vous ouvrir à des biscuits avec d'autres fruits? Pas forcément. C'est pas forcément notre priorité, on va dire. On est avant tout maître pâtissier. Donc, ce qu'on cherche avant tout, c'est à développer des gammes de pâtes. Mais pourquoi pas au niveau des biscuits? Voilà, à voir. C'est vrai que pour le moment, c'est pas la priorité de l'année à venir, on va dire. D'accord. Et est-ce que vous travaillez en partenariat avec des restaurants ou des magasins ou centres commerciaux pour vendre vos produits, ou est-ce que vous ne vendez vos produits qu'à votre atelier, du coup à Tiefos? Non, non. Donc la moitié de notre production est vendue à Thiéfosse, oui, dans notre magasin. D'accord. Et l'autre moitié, donc, à des revendeurs type épicerie fine, restaurant, en effet, épicerie VAC, et puis quelques moyennes surfaces, voilà. Et on a également des bouchers, des crèmeries aussi qui revendent nos produits, voilà. Et des magasins de producteurs aussi, j'ai oublié. Ça, c'est aussi important. D'accord. Est-ce qu'il est possible de visiter l'atelier et le magasin ? Oui, alors bien entendu, le magasin est ouvert toute l'année, donc du lundi au vendredi, de 10h à midi et de 14h à 18h, ainsi que le samedi matin de 10h à midi. Et d'accord. Pour les visites guidées, donc pour ce qui est des groupes, on prend des réservations, donc il suffit de nous appeler au magasin à Thiéfosse, hein, pour nous dire à quel moment vous souhaitez venir. Donc ça, c'est pour des groupes, hein, des groupes au-dessus de 10 personnes, on va dire, voilà. Sinon, durant toutes les vacances scolaires, nous proposons des visites guidées, gratuites, sans réservation, tous les matins, du lundi au vendredi, à 11h. D'accord, je mettrai toutes les informations nécessaires en podcast de cette émission demain dans la journée. Est-ce que vous organisez également des dégustations ? Alors, les dégustations, jusque-là, on faisait des petites dégustations de biscuits. En ce moment, avec le Covid, c'est assez compliqué. Voilà. Oui. Donc, pour le moment, c'est pareil. Tout ça, c'est en stand-by, puisque on est obligé de faire attention et de bien mettre en place tous ces gestes barrières dans le magasin. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est en pause. Oui, oui, oui. D'accord. Et depuis, du coup... Au début, quand l'atelier à pâtes existait, vous ne produisiez qu'une cinquantaine de kilos de pâtes fraîches par semaine pour 200 kilos de nos jours. Donc, comment expliquez-vous cette évolution en finalement seulement 10 ans ? Bon, ben, il y a une certaine évolution puisque bon, on s'est lancé notamment dans les pâtes sèches, hein, pâtes sèches que je ne fabriquais pas avant. Et puis après, voilà, une fois qu'on commence à être connu, on a des demandes d'ici ou de d'ailleurs, hein, de commerçants qui nous demandent pour commercialiser nos produits. Donc on dirait que ça va assez vite finalement, hein, de monter un petit peu en production. Une sorte de bouche à oreille quelque part. Oui, voilà, c'est beaucoup le bouche à oreille. Et puis voilà, une fois qu'on a goûté nos produits, eh bien on se le dit, hein, voilà, c'est ça. Et puis... voilà, donc nos produits sont commercialisés dans les Vosges, beaucoup en Lorraine aussi, mmh. Et puis on les retrouve aussi en Alsace, pas mal. Bon, on a quelques épiceries vrac ou épiceries fines qui les commercialisent sur le reste de la France, notamment sur Paris, et puis quelques épiceries aussi dans le sud de la France et sur Lille. D'accord. Et combien de gamme, fabriquez-vous à l'atelier à pâtes, à peu près, si vous avez un chiffre. Aujourd'hui, ça représente à peu près une trentaine de gammes. Voilà, donc toutes gammes confondues, hein, pâtes nature, pâtes terroir, et puis les pâtes hyperprotéinées ou à teneur réduite en gluten. D'accord, oui, donc il y a quand même du choix, du coup. Oui, voilà, il y a du choix, oui. Oui, oui. Et à l'époque, quand vous fabriquiez, même aujourd'hui, quand vous fabriquiez des pâtes, vous avez une véritable démarche anti-gaspi. Oui, voilà. Tout à fait. Comment... Alors, donc oui, notre politique, c'est de générer le moins de déchets possible, en fait. D'accord. Donc, à la fin d'une production, on a une petite boule de pâte de 20 grammes à peu près. Voilà, c'est à peu près tout ce qui nous reste de la production. Et pour tout ce qui est emballage, eh bien, on utilise beaucoup de produits recyclables, quoi. Donc, beaucoup de carton, papier craft, justement, pour cette raison. Voilà. Donc, ce qui fait qu'à l'année, on a à peine 100 kilos de déchets, voilà. D'accord. Et du coup, s'il n'y avait pas cette démarche, ça aurait été beaucoup plus. Les déchets auraient été beaucoup plus élevés, je suppose. Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Donc, on a toujours travaillé justement dans cette optique-là de générer le moins de déchets possible. Et donc, c'est comme ça qu'elle s'est manifestée au tout début, cette démarche anti-gaspi ? Oui, de toute façon, voilà, on travaillait avec des bons produits, avec des produits locaux, voilà, dans le respect de la nature. Donc ça allait de soi qu'on devait également essayer de limiter au maximum nos déchets. D'accord. Donc pour prévenir nos auditrices et auditeurs, du coup, nous avons convenu en amont de cette émission que cette émission sera un petit peu moins longue que d'habitude pour différentes raisons. Donc avant de De poursuivre un petit peu et de conclure, je vous propose de nous lancer directement dans la troisième et dernière fréquence musicale que j'ai choisie également, toujours en essayant de respecter le côté grande chanson française ou d'un artiste francophone. Et nous allons écouter C. Jérôme avec son titre intitulé « C'est moi ». Toujours au niveau des quelques références, cette chanson est plutôt typée pop française, je dirais. Elle est sortie en 1974 et elle est issue de l'album « Baby Boy » de C. Jérôme, album sorti en 1974 également. Il s'agit d'ailleurs du premier album studio du chanteur et... À travers cette chanson, on en profite pour saluer la mémoire de C. Jérôme qui nous a quittés il y a quand même quelques années de ça maintenant. Donc on écoute C. Jérôme avec son titre C'est moi et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. De repenser à toi. Oui, Jérôme, c'est moi, donc je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Tiens, tu vois, regarde, tu vas être étonné, mais j'ai gardé en souvenir de toi. Jamais t'écouter. Tiens, c'est vrai, le jour de ton anniversaire, je m'en souviens comme si c'était hier. J'allais chez toi t'apporter du lilas. Dis, écoute ce disque, il n'est pas démodé. C'était, je crois, ta chanson préférée. Tu sais, je l'ai bien souvent écouté. Oui, Jérôme, c'est moi, donc je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Oui, Jérôme, c'est moi, donc je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, te parlait sans jamais t'écouter. Oui, Jérôme, c'est moi, donc je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé. C'est Jérôme avec son morceau intitulé « C'est moi » sur Radio Gamozo. Vous êtes donc de retour, vous êtes toujours en direct, il est 14h35 et 29 secondes. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre site internet https://radiogamozo.radio-website.com/ et sur notre application Orange Radio partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers car on nous écoute en Suisse, en Allemagne, en Belgique et même au Québec grâce justement à cette application et là, grâce à notre site internet. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone pendant encore quelques minutes de Stéphanie Richard, co-gérante de l'atelier à pâte de Tiefos, qui est là pour nous parler de l'atelier à pâte et de tout ce qu'on peut y trouver. Tout va toujours bien ? Tout va bien, oui, toujours, oui. Parfait. Donc, comme annoncé avant cette pause musicale, cette émission sera un peu plus courte que d'habitude, donc nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé ? On a parlé, oui, de beaucoup de choses, donc des visites, des différents... et que nos produits, donc aujourd'hui, donc on s'est également lancé... Alors, on ne vend pas uniquement nos pâtes en sachet, comme on l'a dit tout à l'heure, on vend également nos produits en vrac. D'accord. Parce que, voilà, c'est beaucoup dans l'air du temps. Les clients, justement, pour limiter les emballages, aiment bien ce type de... de produits hein, qu'on peut trouver dans des silos en vrac. Donc aujourd'hui, je dirais que le vrac, ça représente à peu près pas loin de 50% de notre production et de nos ventes. D'accord. Voilà, donc si vous avez envie d'acheter des produits en vrac, vous pouvez très bien venir avec vos emballages à l'atelier à pâte à Thiéfos et acheter vos produits de cette façon. Et voilà, donc de la même manière, donc différentes épiceries vrac ou autres du secteur vendent nos produits dans des silos également. D'accord. Et donc si nous voulons vous retrouver ou avoir davantage de renseignements, du coup on peut vous contacter sur le site internet, donc c'est www.pastadelices.fr. Oui, voilà. Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez peut-être donner l'adresse de l'atelier à pâte? Alors l'atelier à pâte donc, est situé 6 places de la mairie à Thiéfos, donc au centre de Thiéfos, devant la mairie justement, donc c'est vraiment très facile à trouver. Mm-hmm. Et n'hésitez pas à nous contacter par téléphone si besoin également au 09 54 90 94 20. Voilà, je mettrai tous les liens utiles en podcast de cette émission demain dans la journée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, voilà, de toujours déborder d'imagination et d'avoir de nouvelles idées pour développer de nouvelles gammes, puisqu'on a toujours cette idée de développement de gamme en tête, voilà. Et puis, en espérant que le Covid ne vienne pas trop perturber notre atelier et notre magasin durant cette année 2022. Eh oui, bah c'est tout ce qu'on vous souhaite, justement. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte? Eh bien, écoutez, je vous remercie de nous avoir contactés et puis, je vous souhaite à vous aussi une bonne continuation, à vous tous, à vous comme à tous les auditeurs qui nous écoutent. Voilà, très bien, déjà je vous remercie. Et donc, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est à mon tour de vous remercier, Stéphanie, d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après. Hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain jeudi à 18h avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook demain dans la journée. Et si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail si vous voulez la récupérer, la partager. Oui, c'est intéressant, oui, merci. Ok, parfait. En attendant, je vous laisse en musique avec Sweet Sue Just You en la version live de Fats Waller. Voilà, et du coup nous on se retrouve demain à 14h toujours en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre dans laquelle je recevrai par téléphone également Valérie Testu Vanière. Voilà, merci de votre fidélité à Radio Gemozo et du coup je vous dis à demain. Donc salut et à demain.